essayer de te séduire. Comme la nouvelle génération, avec des smileys pour l'avenir. Mon téléphone ne pense qu'à toi, Rebecca, à ton sourire qui brille pour moi, Rebecca. À la caisse du Sugrand Simply Market, tu as bouleversé mon cœur. Le code barre du bonheur. Du